Val, Val, t'as pas dit bonjour. Val, je suis là. J'ai dit bonjour. Je suis là. Paul tente de faire belle quand le faire belle. Sans ouf, tous les jours, tous ces gens font que j'entertaine. Pour des ous, pour des sourires, j'entertaine. Crois pas que c'est facile, faut de la gamberge, mec. Mais tranquille, j'ai bac scientifique comme Jean-Pierre Sec. Ouh, j'arrive bien, ça sent l'air fraîche. Fais pas le ouf, tes masques, tes gobelles prennent. Bah, bah, bah, t'es même pas mort, on t'enterre seul. Arrête ton cinéma, tu vas prendre perpète. Je leur fais du mal, pourtant elles reviennent. Parce que je leur fais trop de bien quand j'entertaine. Je suis venu accomplir de grandes merveilles. Je me barre, je te laisse dans ta pampère pleine. Ouh, trop hardcore pour bande hertzienne. Ouh, parfois trop hardcore pour internet. Ouh, tout cet oseille j'intercepte. Pour ça j'entertaine, j'attends pas que grand-père se plaigne. Non, j'agis avant que le cancer me freine. Très douce diploma de grand Henken. On va pas se laisser emmerder. Pourquoi t'essayes de nous tempérer? Je vais faire le million sans chignon et sans serre-tête. Je vais devenir mignon sans airplay. V.A.L.D. Sullivan est dans cette merde. J'ai gueule de keuf quand j'arrive, je veux voir toutes les mains en l'air, wesh. Pas le temps de te faire belle quand te le faire belle. J'entertaine. J'ai le cul dans le starting block, j'suis sans cesse prêt. J'te prends de court, souffle coupé, des lasmatiques sans cesse prêt. Pour ces grandes putains, j'ai de grands serflex. La date du Bercy sur le calendar encerclé. Tu dis de la merde, moi j'écris des transversets. Pour un monde meilleur, j'ai au but Ami Anderson. Vous êtes mou comme des gants pressés. Et dans le flou comme des blancs tressés. Ça en ouf tous les jours, tous ces gens font que j'entertaine. Pour des housses, pour des sourires, j'entertaine. Crois pas que c'est facile, faut de la gamberge, mec. Mais tranquille, j'ai bac scientifique comme Jean-Pierre Sec. Ouh, j'arrive bien, ça sent l'air fraîche. Fais pas le ouf, tes masques, tes gobelles prennent. Bah, bah, bah, t'es même pas mort, on t'enterre seul. Arrête ton cinéma, tu vas prendre perpète. Ouh, perfect.